de passage. Un vieil homme sage, très vénéré par ceux qui l'approchaient et par ceux qui l'écoutaient, vivait très simplement dans une maison des plus rudimentaires. Un jour, il reçut la visite d'un homme très riche du village voisin. Celui-ci fut très étonné de voir le sage logé dans une pièce meublée, seulement d'un tapis, d'une table basse et d'une simple chaise. L'homme riche s'exclama : « Mais où sont vos meubles ?» L'homme sage répondit : « Mais où sont les vôtres ?»« Voyons, maître, je suis en visite, je suis simplement de passage. » »« Moi aussi, voyez-vous ?» répondit le vieil homme en souriant.